Chapitre 5e, dans la place. À 4-5, le docteur Tozan apparaissait, exact, au pont de Brie, et son auto dévalait à bonne vitesse le long de la berge. Son Watman, qui était de confiance, guignait de l'œil la grille de fer de la maison, quand tout à coup, d'une des ruelles latérales qui aboutissent à la berge, une bicyclette jaillit éperdument et d'un élan stupide vint se jeter au-devant de l'auto. Jurons furieux. Le cycliste, pris en écharpe, avait été lancé en l'air comme une simple balle d'enfant, avait fait un tour dans l'espace, puis était venu s'aplatir dans l'herbe où il était resté immobile. « Nom de Dieu, de nom de Dieu !» hurla le Watman. « Mais je ne l'ai même pas frôlé, monsieur est témoin, j'ai serré le frein !» Mais déjà le docteur Tozan avait sauté de son auto et avait couru à l'homme qui s'était étalé sur le ventre, le nez enfoui dans l'herbe et qui ne donnait pas signe de vie. Il s'efforçait de le relever. Comme il arrive toujours dans les lieux les plus déserts, il se trouvait déjà là une vingtaine de spectateurs sortis on ne sait d'où et qui invectivaient le Watman, le couvrant d'injures et de menaces. « C'est ça l'auto, c'est machine à tuer !»« Jean !» cria le docteur, « sonnez à la maison et appelez du monde !» On reconnut le docteur, qui était très aimé, et les cris se turent. « C'est ça le pédalard !» hurla une voix. « On les trouve partout, ils n'ont que faire !» Versatilité des foules. Cependant, de la maison du docteur, deux serviteurs arrivaient qui, sur son ordre, soulevèrent le blessé avec précaution, puis, par les épaules et par les pieds, le portèrent à l'intérieur de la grille. « Dans ma chambre, sur mon lit, » ordonna le docteur. « Quant à vous, Jean, » dit-il à son Watman, « rentrez l'auto dans son garage. »« Monsieur, j'assure à monsieur que ce n'est pas de ma faute. Monsieur a bien vu. Je n'ai rien vu. Je pensais à autre chose. De votre faute ou non, espérons qu'il n'y a pas mort d'homme. Allez, je vais voir dans quel état est ce malheureux. » La maison du docteur Tozan était une des plus anciennes qui eussent été bâties sur le bord de la Marne, entre les avenues Montaigne et des Champs-Élysées, au Perreux, face à Brie-sur-Marne. Une sorte de château, d'aspect sérieux et confortable, deux étages à haute fenêtre, sur rez-de-chaussée, avec au-dessus grenier et toit d'ardoise, une de ces demeures de bourgeoisie cossue qui donne aux passants une impression de calme et de confort. La chambre du docteur se trouvait au premier étage, ayant ses fenêtres sur la Marne. C'était là, sur un lit confortable, que le blessé avait été déposé. Il était immobile, sur le dos, les bras inertes le long du corps, pâle. Le docteur écarta les serviteurs et se pencha sur lui. Il eut un haut-le-corps. Il venait de reconnaître l'homme chez lequel il était allé, la veille, dans la soirée, Fouinard. Quoi ? Le malheureux avait été la victime d'un accident imbécile ? Il palpait le corps avec précaution. « Il faut le déshabiller, » dit-il. « Sylvain, » c'était le nom du jardinier, « aidez-moi. »« Doucement, là. » « Le veston d'abord. » »« Soulevé par les épaules. » « Albaret, » c'était son valet de chambre, « allez dans mon cabinet chercher ma trousse. » « Et puis des bandes de toile. » « Mademoiselle Berthe est-elle là ?»« Oui, monsieur, je crois, au fond du jardin. »« Sylvain, dites-lui de m'apporter de l'eau tiède et des sels. » Les deux hommes étant sortis, et comme le docteur se préparait à couper les jambes du pantalon pour éviter tout mouvement dangereux, « Coupez pas !» dit Fouinard, « c'est de la camelot toute neuve !»« Comment ? Vous parlez ? Vous n'êtes donc pas évanoui ? Cette chute terrible ?»« Vous frappez pas, docteur. C'est un détour de ma façon. Je vais comme un charme. » « Entendons-nous vite pendant que nous sommes seuls. Vous allez diagnostiquer une foulure au genou et me bander cela à fond. Et puis, tout naturellement, je ne peux pas bouger. Vous me gardez ici. »« C'est entendu, » fit le docteur. « Mais ce soit étonnant. Vous en verrez bien d'autres. Tenez, prenez ma culotte. Bon, vous la plierez avec le veston et le gilet. Enlevons les bottines. Oh, aïe, aïe, que je souffre !» Sylvain, le jardinier, rentrait, ce qui expliquait les doléances du faux blessé. « Mademoiselle Berthe va venir tout de suite. Elle fait chauffer l'eau. »« Et voilà la trousse !» dit le valet de chambre qui rentrait à son tour. Fouinard était tout à fait déshabillé. Le docteur lui ordonna de ne pas bouger, puis il lui fit au genou un de ces pansements savants qui prouvent la gravité du cas. Les deux domestiques détournaient la tête, très émus. Fouinard gémissait. « Aïe, maman ! Oh, assez ! Vous me brisez la jambe !»« Ce n'est rien, » disait le docteur. « Une simple luxation du genou, rien de cassé. » « Là, vous sentez-vous mieux ?»« Attendez que je vous place. Mettez votre tête sur l'oreiller. Je vais vous donner une cuillerée de potion qui vous réconfortera. » Il ouvrit une armoire, prit un flacon et en versa quelques gouttes dans une cuillère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» fit Fouinard avec effroi. Le docteur, dont le doigt cachait l'étiquette, le souleva du côté de Fouinard, qui lut « Kirschwasser ». « Ah, que c'est fade !» dit Fouinard après l'avoir dégusté. Pourtant, s'il se doit me faire du bien, donnez-moi encore une petite tournée. Qu'est-il donc arrivé ? Fit de la pièce voisine une voix de femme. Votre Watman a blessé quelqu'un ? Vous pouvez entrer, Berthe, dit le docteur. Supposez que je vous ai emmené à l'hôpital. Une jeune fille, ou plutôt une jeune femme, entra. Fouinard, qui était enfoui sous ses draps jusqu'au nez, la regardait attentivement. C'était la cousine. Une adorable personne, brune aux yeux noirs, les traits fins, de physionomie parfaitement agréable. Jolie taille, corsage avenant, entre 25 et 30 ans, en plein épanouissement de beauté. Elle interrogeait le docteur, très inquiète. Est-ce que l'accident était grave ? Pas de fracture au moins. Le docteur expliquait, mal à son aise dans le mensonge, abusant des mots scientifiques pour cacher son embarras. « Mais, demandait Berthe, comment Jean qui conduit si bien a-t-il pu ? Ce n'est pas de sa faute, interrompit Fouinard d'une voix faible. C'est moi qui bêtement me suis flanqué dans l'auto. Et puis, ça ne sera rien. Et il paraît que j'ai une rude chance de tomber dans la maison d'un médecin. Vous vous appelez, docteur ? Le docteur Tozanne. Le chirurgien ? Celui qui a inventé la transfusion du sang. Comment, vous me connaissez ? Dame, on n'est pas rigaud, on lit les journaux et les chroniques scientifiques. Eh bien, dit le docteur, puisque vous reconnaissez ma compétence, soyez tout à fait rassuré sur votre état. Un peu de repos, et il n'y paraîtra plus. Peut-être avez-vous quelqu'un à avertir ? Il n'y a que ma sœur, mais je verrai ça demain. Quelle heure est-il ? 5 heures. Bon, ma petite Susan croira que je suis resté à dîner à la campagne. Faut-il tout de même que j'étais assez hurluberlu ? Docteur, dit Berthe, permettez que j'aille rassurer ma mère. Elle doit avoir entendu parler de l'accident et être dans une inquiétude. Allez, allez. Comment va Madame Baladier aujourd'hui ? Oh, beaucoup mieux. Elle a marché un peu. Elle a fait dans le jardin une promenade de près d'une demi-heure. C'est à merveille. Ces traitements électriques sont vraiment admirables. Berthe sortit. Le docteur et Fouinard restèrent seuls. Le premier alla fermer la porte. Non, non, laissez la porte ouverte, dit Fouinard. C'est le meilleur moyen de n'être pas écouté par ceux qui seraient derrière. Donc, me voilà dans la place. Vous allez me faire aménager un lit n'importe où. Dans le cabinet voisin de mon bureau ? Bien. Oh, vous me donnerez ma canne que je n'ai pas lâchée pendant ma pirouette. Elle s'appelle Justine. Je vous expliquerai cela. On va me porter dans ma chambre. Cette nuit, nous causerons. Arrangez-vous pour que nous puissions visiter la maison sans être dérangés. Mes domestiques couchent dans un pavillon indépendant. C'est parfait. Faites-moi transporter dans ma chambre. Et là, vous me laisserez seul jusqu'à notre entrevue de minuit. Il est naturel que j'ai besoin de dormir. Un mot, cette jeune fille est la cousine de la morte ? Oui, Berthe Baladier. C'est Madame Baladier qui avait élevé Lucille, sa nièce, qu'elle avait recueillie sans fortune à la mort de sa mère. Madame Baladier était alors dans une situation très fortunée. Son mari était un grand fabricant de meubles du faubourg Saint-Antoine. Lucille n'avait pas de dot, je l'aimais, et fut très heureux d'obtenir sa main. Quant à Berthe, sa mère rêvait alors pour elle de riches destinées. Il y a 7 ans de cela. J'étais un praticien sans notoriété. Ce ne fut qu'après mon mariage qu'une opération qui fit grand bruit, en raison de sa hardiesse et de sa réussite, changea complètement ma situation. 2 ans après, j'étais nommé professeur à la faculté, puis décoré, puis membre de l'Académie de médecine. C'était la fortune, c'était le bonheur, quand une épouvantable fatalité s'abattit sur moi. Mais Mademoiselle Berthe ne s'est pas mariée. Elle est pourtant bien jolie. Là encore, il y a eu du malheur. Tandis que je montais, la fortune des Baladier s'écroulait. Le père mourait. Et comprenez-moi à demi-mot, on constatait que cette fortune était toute de façade. Le jeu et d'autres vices encore avaient dévoré le capital. Madame Baladier se trouva complètement ruinée. Mais ces détails ne peuvent pas vous intéresser. Au contraire, il faut que je sache tout ce qui touche à votre maison. Vous disiez donc que Madame Baladier était ruinée. Je fus chargé de la liquidation, qui fut désastreuse. Avec les débris de cette fortune, je pus constituer difficilement 2 000 francs de rente viagère à Madame Baladier. Mais alors, je lui offris de demeurer avec sa fille dans une petite maison qui touche la mienne et qui m'appartient. La mère et la fille vivent là depuis, il calcula dans sa tête, depuis 5 ans, dont 3 ans par conséquent avant la mort de la pauvre Lucille qui aimait passionnément sa cousine Berthe. Et depuis la mort de votre femme, Madame Baladier, sa fille, constitue pour ainsi dire votre famille. Berthe tient ma maison. Quant à sa mère, à la suite de ses désastres, elle a été frappée d'une paralysie nerveuse. Pendant près de 3 ans, elle est restée clouée dans un fauteuil sans pouvoir en bouger. Il n'y a que 18 mois à peine qu'un traitement par l'électricité a sensiblement amélioré son état. L'âge de Mademoiselle Berthe ? exactement celui de ma femme, 28 ans. « Avez-vous fait ce que je vous ai demandé ? Des notes avec date précise ?»« Oui, elles sont dans mon bureau. »« Vous me les donnerez tout à l'heure. » »« Un dernier mot. » Il me semble me rappeler que Madame Baladier avait deux enfants. En effet, elle a un fils, Gustave, d'un an plus jeune que sa sœur. « Et celui-là ?»« Oh, un sujet détestable. Je puis dire un chenapan. Qui se refuse à tout travail se fait chasser de partout. » J'ai même eu de forts désagréments, parce que je l'avais placé chez mon notaire, qui a dû le renvoyer à la suite de malversations. Il gruge sa mère, car la pauvre femme a la passion maternelle développée jusqu'à l'excès. Je ne sais de quoi elle ne serait capable pour ses enfants. On frappa à la porte. Le valet de chambre venait d'avertir que la chambre du malade était préparée. « Bien, dit Fouinard, je me traînerai jusque-là, soutenu par vous et par votre domestique. » En effet, enveloppé dans une vaste robe de chambre, Fouinard, se suspendant au bras des deux hommes, traînant la jambe, geignant, alla vers sa chambre. Elle était séparée de celle où il se trouvait, et qui appartenait au docteur, par une vaste pièce, tout encombrée de meubles que couvraient des livres et des papiers. « C'est ici que je travaille, dit le docteur. « Et vous vous occupez de phrénologie ?» fit Fouinard, en désignant, d'un geste de la tête, un de ses bustes dont le crâne est couvert d'étiquettes multicolores. « Oh ! Autrefois, » fit le docteur, « j'en suis tout à fait revenu. » La chambre destinée à Fouinard était une sorte de bibliothèque où on avait dressé un lit, d'ailleurs d'allure très confortable. Le blessé fut installé, il eut un soupir de satisfaction. « Maintenant, docteur, dit-il, je ne veux pas vous déranger plus longtemps de vos occupations. Je vais reposer jusqu'à demain. J'ai un si grand besoin de sommeil. « Mais vous allez mourir de faim, » lui dit le docteur à voix basse. « Ne craignez rien. » répondit Fouinard sur le même ton. « J'ai pris une bonne dose de noix fraîche de cola. J'en ai pour 24 heures. Allez me chercher les notes en question, laissez-moi une lampe, et allez rejoindre vos amis. » « Un dernier mot. Vous êtes toujours décidé à rechercher quelle est la main criminelle qui a commis le crime ?»« Certes, plus que jamais. » Et il ajouta à mi-voix, comme se parlant à lui-même, « Toute ma vie en dépend. » « C'est bien, » dit Fouinard, « comptez sur moi. Les notes, de la lumière. » « Et puis à minuit, n'oubliez pas. »